soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux classique. Aussi le retour de ton cou. Les fruits bien mûrs vont devenir ma Marie Aïcha, si tu veux. تمنيت نعيش معك غير انتي عايشة عايشة اول قلب الشاق. C'est Rail Suprême, DJ Kaist, ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Aïcha, ton papa, Aïcha, Aïcha, listen to me. Aïcha, Aïcha, couple of me. Ce soir c'est la folie, folie. Comment vous dire j'ai bien. Loin des ennuis j'suis à l'aise. Le soleil tape sur moi. J'suis pas très loin du malaise. Comment c'est le feu ce soir. Mon esprit parti, parti. Les billets dans le noir. Tu comptes sur ce taragli. Fraîche, t'es fraîche. M'appelle t'es trop fraîche, ouais. DJ Kaist, Rail Suprême. N'empêche, t'as mieux à Marrakech, hey. Laisse-moi mettre l'ambiance. J'écoutais le sol français, je me lance. Appel sur la compile. On s'enflamme toutes les vacances. Oh non, tout le monde a pris ses congés. Belle gosse, à mes côtés j'ai foncé. Location dernier Cayenne, je prends la route vers Tanger. Je fais des stats dans la piscine pendant que toi t'es congelé. Zifou t'as validé. Dans le vide t'as paniqué. Écoute-moi, tu vas kiffer. Une ambiance de qualité. Comment vous dire que c'est Rail Suprême Skyrock. Le soleil tape, tu l'auras. Je suis pas très loin du malaise. Comment c'est le feu ce soir. Mon équipe est de sortie. Les billets dans le noir. Tu comptes sur ce taraclé. Naïda, naïda, naïda. Numéro 1, la halle et le roubla. Dimine, chine, wida, wazaya. Zaya, zaya, zaya. Paris, Marrakech, début de l'été. Avec les potos, pourquoi s'embêter. Toujours mon équipe, viens pas nous tester. Appelle tes copines, on va tout skiffer. Cholé, cholé, c'est parti, olé, olé. Les filles sont jolies, jolies. Ce soir c'est la folie, folie. Cholé, cholé, c'est parti, olé, olé. Les filles sont jolies, jolies. Ce soir c'est la folie, folie. Comment vous dire que je vais bien. Loin des ennuis, je suis à l'aise. Le soleil tape, tu l'envoies. Je suis pas très loin du malaise. Comment c'est le feu ce soir. Mon équipe est de sortie. Comment vous dire, je vais bien. Loin des ennuis, je suis à l'aise. Le soleil tape, tu

عليا واش هذا ناري ناري وفرقوك عليا واش هذا الفراق صعيب والرفاق غبيا ليالي ليالي بويا واش كل بلاد ويلي ويلي وعوجوك عليا واش هذا ناري ناري وفرقوك عليا واش هذا الفراق صعيب والرفاق غبيا ويلي ويلي وعوجوك عليا واش هدا ناري ناري وفرقوك عليا واش هدا الفراق صعيب والرفاق غبيا يا لي بويا واش كل بلاد ويلي ويلي وعوجوك عليا واش هدا ناري ناري وفرقوك عليا واش هدا الفراق صعيب والرفاق غبيا ويلي ويلي وعوجوك عليا واش هذا ناري ناري وفرقوك عليا واش هذا الفراق صعيب والرفاق غبيا يا لي بويا واش كل بلاد ويلي ويلي وعوجوك عليا واش هذا ناري ناري وفرقوك عليا واش هذا الفراق صعيب والرفاق غبيا Yeah.

ceinture élevée. On a le sang chaud, algérien danger. Oriental Dream 2015 de l'Alger. Ce soir c'est cabaret, cabaret, Habel Balo de l'Carabina. Je vais danser les Samira, Khaddouj et même Katarina. Hey wa, Yaz dans la poche, on est là. Mon son tourne dans les caisses et dans les bois. Je suis dans mon bolide.

se retrouve tous les dimanches soirs minuit 1h avec Fred pour une heure de mix de folie. S'habiller, personne ne peut l'intimider. Elle a le caractère et les hommes.

les perles, les bijoux. Aussi le retour d'être en coup. Les fruits, les murs au bout de miel. Ma vie, aïe, je suis tibère. تمنيت نعيش معك غير انتي عايشة عايشة اول قلب الشاق عايشة عايشة اكتبت موا عايشة عايشة طم بابا عايشة عايشة listen to me عايشة عايشة Naïda, numéro 1, la halle, le roublard.

le ghetto. Si le beurre marche pas, j'investis dans le bédo. Ah ah, accélération, crochet, petit fond à la Eto. Centre de mi ciseaux de la part de LESO. Hey, ça vient tout droit de PSO. Tu veux même pas te retourner, savoir qui te baisse. Oh là, j'ai ta mère la pute en texto. Elle me demandait si dans mes pattes je veux du pesto. Poto, la faute le veto. Si tu veux monter haut, si tu veux pas la pâme et le gâteau. Hey, chaque jour je refais. La tiacta est mise au frais. Les stupes me suivent, cette bitch me suit tout simplement parce que je lui plais. Trop nerveux comme je vais dire. Au comico, ces poulets te souhaitent bon appétit. Je suis dans la zine cuite, je taffe le crack. Pendant que ta bitch, elle tire sur la bouteille de crack. J'ai les couilles vides mais le chargeur est plein. 9 milli, 6,35, il en reste un. Je me sape au Philippe-là. Louis V, Gucci, ma garde de rappel. Édition Zraïd à Havre. Chaque jour que je fais faire plus de l'homme et de la veille. Chaque jour que je fais faire plus de l'homme et de la veille. Chaque jour que je fais. Chaque jour que je fais. Et nous voulons. She hum on me, lidin dana dana dana dayni. Yana bharra li yarani lomri. Lidin dani dani dani dayni. Kindir galbi rani sufri. Habti bini dik dir li bghayta l'amr. Bonsoir, bonsoir. DJ Kaist ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Skyrock. تلاح في قلبي زاد وجرح هك على طاجين فاس هك على خبز وطن هك على حلوه مشبكه في طاسه جديده واوا واوا واوا Suprême sur Skyrock. Suprême en direct sur Skyrock. Thank you. de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. Tu veux plus partir, crotte dans l'orange, le soleil t'attire, les vignes penchent. Tu veux plus partir, crotte dans l'orange, crotte dans l'orange, crotte dans l'orange, crotte dans l'orange, orange, orange, orange, orange, orange. Don't stop, poussez-vous, ça dirait frère, attends, bah moi je vais au Maroc hein, toi tu vas où? Ah ouais, moi je vais en Algérie, en Kabylie, tu connais. Ah ouais, mais attends, y'a un problème là. On traîne toute l'année ensemble, on va faire comment? Ah ouais, tu sais quoi? Viens, on va en Tunisie. Vas-y, vas-y, lourd. Mais attends, là y'a un deuxième problème. Dimanche soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rai Suprême en direct sur Skyrock. La première fois que tu l'as entendu, c'était sur Skyrock. J'ai le drapeau facile. Gros KTM, j'oublie les Champs-Élysées. Faut pico à la main, t'as les sous les palmiers. Marocaine, elle s'appelle Inde. Elle aime pas la funk, pourtant she got a thing. Au but c'est les notes, mais qu'est-ce que tu crois là? Je veux faire des meutes, tu en veux, tu en vois là. J'suis dans la merde. J'arrive dans le club, bitch, happy birthday. J'suis trop frais, j'ai

spending all of my money. Tryna see what's up now. I can do this all day like it ain't nothing. Black car, party in the backyard. Shawty got the black bra showing. Tatted up, ass fat enough. She a bad bitch, yeah, she already know it. Yeah, she know it, yeah, she know it. Yeah, she know it. Ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Avec tous les sons du moment sur Skyrock. Au début, je faisais du sang pour épater les collégiennes. Ensuite, je le faisais pour épater les lycéennes. Ensuite, on m'a chuchoté que je pouvais devenir numéro uno. Y'en a même qui disaient qu'on pourrait se faire des une, deux. Je passais de l'anonymat aux petites soirées mondaines. J'aime pas trop le caviar, laissez-moi mon assiette de peine. J'arrive en bolide, un poli, j'attise la haine, cousin. Fais des textes insolites, solides, je suis plus le même. Donc, je vais me balader, allez me balader. Au même caractère que moi, en mode j'rappe trop bien. Mais c'est pas flow, dites les MC, ouais j'vous ai trop bien. En mode studio, en mode anti, mange le micro. En mode mitra, ma pipe, à la TV, ma voix, à la radio. En mode album de Gueda, au Pida, c'est pas anodin. J'suis venu champion au monde en mode numéro 1. Reconnaissance c'est le nôtre, c'est pas un autre. Sniff des rats et un train pour cacher un autre. Je suis en mode meilleur, balayeur, Delphi. Mardi ici, je suis en mode envie de m'arracher ailleurs. J'ai le power. Pendant d'autres affiches, ma tête à l'affiche. J'ai des fans qui crient de tisha, en mode officia. Je me pousse pas à tuer, je suis en mode chiche. Je suis plus de la chiche comme ton père, je suis en mode chicha. Oh speed, ramène l'attitude du MIC. Je tire de suite en partie, catastrophe. Je vais chanter mon petit tube. Je lâche à mes escutes en direct de la banlieue sud. Oh, oh, oh. Suprême. Skyrock. J'ai la joie de vivre camoussé dans

DJ Kaist ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Oh, et ma belle en photo, oh, et ma belle, oh, et ma belle en photo, oh, et ma belle, oh, et ma belle en photo, oh, et ma belle, oh, et ma belle. C'est un pilon, c'est I want shake me, I want shake me. C'est un pilon, c'est I want shake me. Cet été, je suis pas à la décide. Je cherche une femme imbécile. Algérie marocaine, je veux un missile. Oui, bien si, j'aime aussi. J'en ai marre du célibat. Donc je vais dans le sud, j'ai qui dérive pas. Et je veux une bombe, bombe, bombe, bombe, bombe. Qui danse comme Chaouya. Et je veux une bombe, bombe, bombe, bombe, bombe. Qui danse comme Chaouya. Elle me rend fou, elle me rend fou, la nanana. Elle me rend fou, elle me rend fou, la nanana. Elle me rend fou, elle me rend fou, la nanana. Ah yeah. C'est Rail Suprême. Case. Avec tous les sons du moment sur Skyrock.

avocats, y'a même des frères qui sont mannequins. De la cité. Oh oui madame, et ma passion c'est la musique. Ma passion c'est la musique, et peu importe où t'habites, quelles que soient tes origines, t'es pas tout tombé, vas-y fais le. T'as réussi, thug, un mariage, thug, un diplôme, thug, pendant que madame veut des thug. Une go va thug, une fameux thug, un clip thug, pendant que tu rap qui me bug. Une go va thug, une fameux thug, thug, thug. Bonnes vacances, c'est Rail Suprême sur Skyrock.